بسم الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل دراستنا في شروط الدعاء، سائلين الله جل وعلا أن يسددنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، كما نسأله الثبات والتوفيق. وبعد، donc on va continuer inshallah sur notre étude sur les conditions des invocations. Et donc, la fois dernière, dans la dernière assise, concernant l'explication des conditions, ou bien l'étude des conditions et du comportement et des bienfaits de l'invocation, on avait commencé à évoquer certaines conditions. Certaines conditions pour l'exaucement des invocations. Donc, le croyant, Allah subhanahu wa ta'ala, a légiféré pour lui l'invocation comme adoration. C'est-à-dire que le croyant, Allah Jalla wa Ala, lui a donné ce bienfait de pouvoir invoquer son Seigneur et de pouvoir invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette adoration-là qu'Allah Jalla wa Ala a légiféré doit être dans un premier temps vouée qu'à lui seul subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on a dit que le serviteur qui veut voir ses invocations exaucées, alors qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala directement et qu'il ne prenne en dehors de lui aucun associé. Et donc qu'il n'invoque en dehors de lui personne. On a dit que ce soit un ange rapproché, que ce soit un prophète ou bien un vertueux ou bien un saint, aucun n'a le droit d'être invoqué en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, pour prouver cela, on avait mentionné le hadith du prophète sallam célèbre lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: "Idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah." Lorsque tu demandes, demande Allah, et lorsque tu cherches l'assistance, l'aide, demande-la, recherche-la auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez dans observez dans le verset lorsqu'Allah dit: "Wa anna al-masajid lillah fala tad'u ma'a Allah ahada." Et certes, les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquent personne avec Allah ou en dehors de lui. Et donc, les textes sont nombreux et on avait mentionné des textes concernant cette condition, le fait de ne pas prendre d'intermédiaire ou d'intercesseur, mais invoquer Allah subhanahu wa ta'ala directement. Allah est proche, Allah lui dit « فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعِي إِذَا دَعَانَ » Donc Allah est proche et il répond à la demande de ses serviteurs lorsque ils invoquent, lorsqu'ils lui demandent. Et Allah, c'est pour cela qu'il nous dit wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit: invoquez-moi, je répondrai à votre appel, je répondrai à vos invocations. L'autre condition, ensuite, parmi les conditions qu'on avait explicitées la fois dernière, de le fait, on avait dit de tajannub al-istirjal. Tajannub al-istirjal. Wa qulna fa innahu min afat ad-du'a allati tamna qabul ad-du'a kama fi al-hadith yustajab li ahadikum ma lam يعجل يقول أو يعجل يقول دعوت فلم يستجاب لي. روى البخاري ومسلم. Et donc on avait dit parmi les conditions aussi ne pas se précipiter. Ne pas se précipiter, être trop pressé. Et le sens de cela, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous expliquait le sens de cela. De Al-Istirjal Fid-Dua. Al-Istirjal Fid-Dua, l'empressement dans l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous expliquait en nous disant que c'est le fait que la personne, lorsqu'il invoque, ensuite il dit j'ai invoqué, قَدْ دَعُوتُ وَقَدْ دَعُوتُ فَلَمْ أَرَى يَسْتَجِيبُ لِي. Mais j'ai pas vu que ma demande a été exaucée. J'ai pas vu qu'Allah Jalla wa Ala a répondu à ma demande. Ça, c'est ce qu'on appelle l'istirjal fi dua. L'istirjal fi dua. C'est l'empressement dans l'invocation. Le fait ensuite, après qu'on ait invoqué, le fait de dire j'ai invoqué, mais je n'ai pas eu de réponse. Et ça, le prophète, en somme, il dit yustajab li ahadikum. Et chacun d'entre vous, il lui était exaucé, il lui exaucait son invocation, tant qu'il ne s'empresse pas. Tant qu'il ne s'empresse pas. Ensuite, le prophète, sallam, dit, c'est le fait de dire, j'ai invoqué, falam yustajabuli, mais il ne m'a pas été répondu. Et ce récit-là est rapporté par le Bukhari au Muslim. Donc on avait fait un rappel sur ça, et que le croyant, lorsqu'il invoque, alors il attend la réponse de la part de son Seigneur, et walam yustajil, walam yustajil bihad al-kalam, avec ces paroles. Parmi les conditions qu'on avait dit pour l'exaucement de nos invocations, il ne faut pas que celui qui invoque, il invoque pour un péché. Il invoque Allah Jalla wa Ala, que ce soit pour l'accomplissement d'un péché ou pour ce soit la rupture d'un lien, de parenté par exemple. Il ne faut pas qu'il invoque pour cela. S'il invoque pour un péché ou bien pour la rupture d'un lien, de parenté, alors dans un récit, le prophète Hassan dit le serviteur, il lui est exaucé, ses demandes sont exaucées tant qu'il n'invoque pas pour un péché ou pour la rupture d'un lien de parenté. Donc ça c'est important, on l'avait cité la fois dernière, donc en guise de révision, en guise de rappel. Et aussi, parmi les conditions que les savants nous enseignent, le croyant, celui qui invoque, doit toujours garder un bon soupçon, une bonne pensée envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et que son Seigneur est proche, et que son Seigneur lui répondra à son invocation. Donc s'il y a un bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera ce qu'il a demandé. Et tout cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qu'Allah Jalla wa Ala a décrété pour le serviteur, c'est qu'il y a un bien et il y a une sagesse infinie derrière tout cela. Le serviteur, lui, doit garder toujours un bon soupçon vers son Seigneur. Pourquoi? Parce que dans un hadith, comme on l'avait pris, Qudsi, divin, Allah dit « Ana inda dhanni abdi bi » « Je suis selon la pensée que mon serviteur a de moi. » Une traduction approximative du sens du hadith. C'est-à-dire, si le serviteur pense du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, pense du bien de son Seigneur, alors il trouvera auprès de son Seigneur du bien. Par contre, s'il pense mal, et ainsi. Donc c'est pour cela qu'il est important de toujours avoir ce qu'on appelle « حسن الظن بالله عز وجل » كما قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى « أنا عند ظن عبدي بي روى البخاري ومسلم » وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة موقنون بالإجابة أن العبد هو متيقن يتيقن أن الله عز وجل سيستجيب دعاءه لأن الله هو القائل ادعوني استجيب لكم. Et donc parmi les autres conditions qu'on avait mentionnées aussi, on avait dit le fait d'avoir la certitude, d'être certain qu'Allah subhanahu wa ta'ala répondra à la demande. Avoir la certitude. Et ne jamais hésiter sur cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui nous a ordonné de l'invoquer. Donc avoir toujours la certitude qu'Allah jalla wa ala répondra à notre demande. Et donc ça, on l'avait appris à travers un hadith du prophète sallam, où le prophète sallam nous dit « Udu'u Allah wa antum muqinun bil ijaba » Invoquez Allah en étant certain de la réponse, en étant certain qu'Allah Jalla répondra. On avait dit que ce hadith est rapporté par l'imam Tirmidhi et il est jugé bon par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et aussi parmi les conditions qu'on avait dit, il est bon pour. Alors, il faut celui qui invoque son Seigneur, alors qu'il est dans son cœur, qu'il reconnaisse dans son cœur la grandeur de celui qu'il invoque. La grandeur de celui qu'il invoque. Et il faut que dans son cœur soit vivant, du sorte qu'il est mustashir, du sorte qu'il ressent au fond de son cœur la grandeur de celui qu'il invoque, la grandeur de son créateur, subhanahu wa ta'ala. En quelque sorte, il ne faut pas que son cœur soit distrait et insouciant. Il ne faut pas invoquer Allah avec un cœur indistrait, ou distrait plutôt, et insouciant. Pourquoi? Parce que dans un récit, on apprend que le prophète en salam nous dit: Wa'alamu anna Allah la yastajibu du'a'a min qalbin lahin. Et le prophète en salam nous dit justement: Wa'alamu anna Allah la yastajibu du'a'a min qalbin lahin. Allah, sachez, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, et sachez qu'Allah Jalla wa'ala ne répond pas à la demande, à l'invocation venant d'un cœur distrait et insouciant, en quelque sorte. Et ce hadith est jugé bon par Cheikh Al-Albani. Et donc, la fois dernière, on avait justement, comme cela, énuméré des conditions pour l'exaucement des invocations. On avait dit, il faut faire aussi attention à ce qu'on mange, et manger du halal. Il faut faire attention à que notre nourriture soit halal. Pourquoi? Parce que manger la nourriture haram, illicite, et manger et s'alimenter de l'illicite, ça, c'est un obstacle pour l'exaucement de nos invocations. Pour l'exaucement de nos invocations. Allah dit dans le Coran: Kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Allah nous dit: mangez des bonnes choses et accomplissez les bonnes œuvres. Accomplissez les bonnes œuvres. Kulu minat tayyibat, des bonnes choses. Pourquoi? Parce que Allah Jalla wa'ala huwa tayyib, wa la yaqbal illa tayyib. Parce que Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela qu'il faut faire attention à notre alimentation, à notre nourriture, qu'elle soit halal. Et d'une manière générale, ainsi que la boisson aussi, que notre boisson soit halal aussi. Et vous avez vu dans ce verset, Allah Jalla wa'ala nous dit: Kulu minat tayyibat. Manger des bonnes choses et œuvrer, accomplissez les bonnes œuvres. Et là, on a un bon enseignement, une faïda, une grande faïda, à travers l'étude et la méditation de ce verset. Les savants nous enseignent que on trouve dans ce verset un enseignement profitable, le fait que la bonne nourriture, la bonne alimentation, justement, aide. La bonne alimentation aide à l'accomplissement des bonnes œuvres. Pourquoi? Parce qu'Allah Jalla wa'ala dit: Kulu minat tayyibat, manger des bonnes choses, et ensuite Allah Jalla wa'ala nous ordonne d'accomplir les bonnes actions. Alors les savants nous ont dit qu'ils enseignent, ils expliquent que pour l'accomplissement des bonnes actions, le fait de manger al-halal, wa tayyibat, et les bonnes choses licites, et manger de ces bonnes choses qu'Allah Jalla wa'ala nous a autorisées, alors ça va aider à l'accomplissement des bonnes actions. Et donc la faïda qu'on tire, l'enseignement qu'on tire ici, c'est que souvent, il y a des périodes, des fois, on se trouve un peu lourd pour accomplir certaines bonnes actions. Celui qui se trouve dans cet état se trouve lourd pour accomplir certaines bonnes actions. Il trouve de la paresse, de la paresse. Et la paresse est un fléau dont il faut invoquer Allah Jalla wa'ala qui nous guérisse de cette paresse. Pourquoi? Parce que vous avez vu même dans les invocations, par exemple, Adhkar al-Sabah ou al-Masa, il y a l'invocation contre la paresse. A'udhu bika min al-kasal. Lorsqu'on demande qu'Allah Jalla wa'ala nous protège du kasal, al-kasal. Fa al-kasul, celui qui est kaslan, qui est paresseux, ça c'est un énorme problème. Et donc c'est quelque chose dont il faut y remédier. Il faut y remédier. Et donc on a des invocations contre la paresse. Et aussi, sachez que les savants nous disent que lorsque la personne voit qu'il se trouve lourd pour l'accomplissement de certaines bonnes actions, les œuvres bonnes, et aussi trouve de la paresse en lui, alors il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il voit aussi ce qu'il n'y a pas un problème dans sa nourriture, dans son alimentation, dans sa boisson. Allah Jalla nous dit, Kulu min at-tayyibat, mangez des bonnes choses, wa'malu salihat, wa'malu salihat, et œuvrez avec les bonnes actions. Wa'malu salihat, et œuvrez à travers accomplissez les bonnes actions, ça prouve que manger le licite et des bonnes choses, ça va aider. Ça va aider la personne à l'accomplissement des bonnes œuvres. Et à l'inverse, celui qui s'alimente du haram et dont sa nourriture est haram, cela justement peut le dissuader et l'empêcher d'accomplir les bonnes actions comme mentionnent les savants, comme expliquent cela les savants. Et donc, vous pouvez retrouver ces enseignements-là, par exemple, dans l'explication du hadith où le prophète, on avait mentionné la fois dernière, où le prophète donne l'exemple d'un voyageur qui serait tout poussiéreux, il lève ses mains, alors il décrit ce voyageur, il lève ses mains dans le ciel, met sa nourriture haram, sa boisson est haram, ses vêtements sont haram, il s'alimente du haram, fa'anna yustajabu li dhalik. ومشربه حرام ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Comment celui-ci lui serait exaucé alors que sa boisson, sa nourriture et il s'alimente donc du haram et ses vêtements ainsi. Et c'est pour cela que dans un verset, Allah Jalla wa Ala nous dit إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Certes, Allah accepte que الْمُتَّقِينَ de ceux qui font preuve de piété et qui craignent Allah, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Et ça, c'est un verset immense. Allah Jalla wa Ala nous enseigne qu'il accepte les œuvres. Allah yataqabbal. Donc ça, c'est une annonce, une nouvelle immense et grande pour les croyants. Qu'Allah Jalla wa Ala est celui qui accepte. Il accepte. Mais de qui? Allah nous dit, min al-muttaqin. Allah, il accepte min al-muttaqin, c'est-à-dire tous les actes d'adoration, que ce soit les invocations, d'une manière plus particulière, là on est en train de parler du sujet des invocations. Sinon, que ce soit les prières, que ce soit le jeûne surrogatoire, ou bien le jeûne obligatoire du ramadan ou autre, que ce soit la zakat, que ce soit toutes ces œuvres d'adoration comme la bienfaisance, que ce soit l'aumône, toutes ces œuvres d'adoration qui ont été légiférées, que ce soit le pèlerinage, le grand ou le petit, Allah Jalla wa Ala les accepte. Mais, il dit, min al-muttaqin. Il les accepte de ceux qui font preuve de taqwa. Min al-muttaqin. De ceux, littéralement, qui font preuve de taqwa. Pourquoi? Parce que le muttaqin, c'est l'acteur. C'est celui qui fait l'action. Celui qui fait la taqwa. Donc, il y a la taqwa. Donc, traduction relative est très rapprochée, au plein rapproché. C'est celui qui fait preuve de piété, de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui met en œuvre at-taqwa. Alors Allah Jalla wa Ala nous dit qu'il accepte de celui-ci. Et c'est pour ça qu'il nous a rapporté d'un pieux prédécesseur qui disait que si je savais qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'avait exaucé, ne serait-ce deux unités de prière, alors j'aurais espéré la mort. Alors il dit, j'aurais espéré la mort. Ensuite, il récita le verset, Innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin, parce qu'Allah n'accepte que des muttaqin. Et donc, cette parole de ce pieux prédécesseur, il disait, si je savais qu'Allah m'avait accepté ne serait-ce que deux unités de prière, alors j'aurais espéré la mort. Pourquoi? Parce qu'il récita le verset, certes, Allah n'accepte que des muttaqin. Alors, si Allah lui a accepté deux unités de prière, ça veut dire qu'il a fait preuve de taqwa. Et la bonne finalité pour les muttaqin. Et de ce fait, donc c'est pour cela que parmi les conditions, que l'alimentation soit minat tayyibat, minat tayyibat. On avait dit aussi parmi les conditions qu'il faut prendre en considération le fait de ne pas tomber dans toute forme de i'tida, de transgression dans la vocation. Éviter toute forme de i'tida, de transgression dans la vocation, que ce soit au niveau des paroles ou bien des actes, au niveau des paroles ou bien des actes. Donc, il faut invoquer Allah, Ud'u Rabbakum tadarru'an wa khufiya, innahu la yuhibbul mu'tadin. Il faut adorer Allah avec toute soumission et dévotion, wa khufiya, car certains d'Allah n'aiment pas les transgresseurs. Et aussi, parmi les choses défendues, il faut faire attention, il ne faut pas que l'invocation détourne le serviteur d'une obligation. Il ne faut pas que l'invocation détourne le serviteur d'une obligation. Par exemple, il se met à invoquer alors qu'il y a une prière obligatoire parmi les prières quotidiennes qui commence. Et lui donc, il délaisse la prière obligatoire, par exemple, de prier sa prière obligatoire parce qu'il invoque. Il ne faut pas qu'ensuite, que l'invocation « yansharilu bid-dua » Allah yansharilu bid-dua'i an amrin wajib mithl faridatin hadira ou yatruk al-qiyam bihaqi walid bihujjati d-dua. Wal'alla fi qissat جريج العابد ما يشير إلى ذلك لما ترك إجابة نداء أمه وأقبل على صلاته فدعت عليه فابتلاه الله. Et donc il ne faut pas délaisser une obligation. Il ne faut pas que ça détourne le serviteur d'une obligation. Et certains savants annotent cela et prouvent cela avec l'histoire de جريج. جريج العابد. Donc c'était un homme à l'époque de Banu Israël qui était un dévot, il s'appelait Jureyj, le dévot. Et lui alors qu'il adorait Allah, il faisait une prière, il avait délaissé la demande de sa mère alors que sa mère l'appelait. Et فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ فَدَعَتْ عَلَيْهِ فَابْتَلَاهُ اللَّهِ. Et lui, donc c'était des prières surrogatoires, et alors que sa mère l'appelait, elle avait besoin de lui, il délaissait l'appel de sa mère et continuer sa prière qui était surrogatoire, qui n'était pas une prière obligatoire. Et ensuite, il a été éprouvé pour cause de cela. Et pour le récit dans sa totalité, Inch'Allah, on étudiera ce récit dans ce qui va venir dans l'assise du soir, l'assise concernant les hadiths du comportement. Les hadiths du comportement, justement, le hadith de Jureyj, le récit de ce dévot viendra, Inch'Allah, et on le citera dans son entièreté, Inch'Allah, dans l'assise concernant l'étude du livre. Ahadith al-Akhlaq. Voilà parmi les conditions, en résumé, parmi les conditions pour l'exaucement des demandes. Et donc ça, ces conditions-là, c'est très important de se les rappeler. Pourquoi? Parce que chaque personne, lorsqu'il invoque Allah, subhanahu wa ta'ala, il espère la réponse. Il espère la réponse. Donc c'est pour ça que le croyant doit tout faire pour que ses invocations soient exaucées. Et donc, il est bon d'observer et de connaître ces conditions-là. Ces conditions pour l'exaucement de nos invocations. Donc, comme on l'a dit précédemment, avoir un cœur vivant, faire attention de ne pas implorer Allah avec un cœur distrait et insouciant. Parmi les conditions, on a dit, lorsqu'on invoque, être certain qu'Allah Jalla wa Ala répond et va répondre à notre demande. Allah est celui qui est proche, celui qui entend tout, rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Et dans le monde entier, ne serait-ce qu'une feuille d'un arbre qui tombe, cela n'échappe pas au Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, toutes ces conditions qu'on a mentionnées, méditer, le fait de les méditer et d'essayer de les mettre en application. Ensuite, parmi les choses importantes pour l'invocation, il y a le volet de ce qu'on appelle, le sujet de ce qu'on appelle adab du'a. Adab du'a. Pourquoi? Parce que yustahab li kulli da'in an ya'ti bi adab muhimma qabla du'a'i wa athna du'a'ihi wa 'inda khatm du'a'i. Donc là, il y a un autre volet, un autre thème à étudier qui est très bénéfique, c'est la question du comportement. La question du comportement adopté lorsqu'on invoque. Et donc, il est recommandé pour toute personne qui invoque d'adopter un comportement. Et ce comportement, les savants, lorsqu'ils enseignent le comportement adopté pour l'invocation, et justement, c'est pour que celui qui invoque ne fait pas partie des transgresseurs. Pourquoi? Parce qu'on a dit, il ne faut pas transgresser dans l'invocation. Donc il ne faut pas, par exemple, à travers nos demandes, il ne faut pas dire des paroles qui transgressent, des paroles interdites. Il ne faut pas adopter des comportements mauvais pendant l'invocation. Et tout cela, on l'apprend justement dans Adab Dua, le volet, le thème concernant le comportement de l'invocation. Et donc, tellement que ce sujet est important, vous trouvez que beaucoup de savants ont traité le sujet. Ont traité le sujet. Il y a même des savants qui ont consacré des épîtres et consacré des œuvres concernant ce sujet-là. C'est-à-dire, ils ont écrit des œuvres, des livres, des épîtres. Ils ont écrit dans le sujet. Du fait que ce sujet est d'une immense importance, le comportement adopté lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que premièrement, on n'invoque pas n'importe qui. On invoque le créateur de ce monde. On invoque le maître de l'univers, Allah Azza wa Jal, le créateur de tous les êtres. Et le maître des mondes, subhanahu wa ta'ala. Et donc, celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il se remémore et lorsqu'il réfléchit sur la grandeur d'Allah et l'immensité d'Allah, sur la perfection d'Allah, sur la magnificence d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il ne peut que craindre son Seigneur et donc il va adopter un comportement, le meilleur comportement lorsqu'il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, ce sujet est très important. Aussi, à savoir que les savants de l'islam nous enseignent que parmi les comportements qu'ils enseignent à recommander pour les invocations, il y a dans un premier temps le comportement avant l'invocation. Donc il y a un comportement adopté avant l'invocation. Fi athna du'a'i, pendant l'invocation. Wa inda khatmi du'a'i, et lorsqu'on conclut l'invocation. Lors de la conclusion de l'invocation. Et c'est ça qu'on va essayer d'étudier dans ce qui va venir. Donc je vous répète, regardez l'importance du bon comportement. Et ce comportement-là qu'on va apprendre, ce adab, hein, ce comportement de l'invocation qu'on va apprendre, on va parler de celui qui faille adopter avant l'invocation, avant qu'on veuille invoquer. Eh ben, il y a du adab, il y a des choses à savoir et à accomplir, à faire. Et aussi pendant qu'on invoque, on va parler de cela aussi, et aussi lors de la conclusion à la fin de l'invocation, la fin de l'invocation. Et tout ça. Ça va nous aider justement, ça va aider à faire justement que son invocation, il va mettre en quelque sorte toutes les chances de son côté, toutes les bonnes occasions de son côté pour que son invocation soit exaucée, en quelque sorte. Il va faire toutes les causes plutôt, toutes les causes pour que son invocation soit exaucée. Donc, on a commencé dans un premier volet les conditions de l'invocation. Et là, on étudiera dans la prochaine assise, Inshallah, bihawlillahi jalla wa ala, le comportement de l'invocation, ce comportement à adopter. Puisque comme on l'a dit précédemment, le croyant invoque le maître des mondes et donc il doit adopter un comportement. Et tout cela va dans son intérêt. Du fait aussi, deuxièmement, qu'il accomplit l'une des plus grandes adorations qu'Allah jalla wa ala a légiférées. Et d'ailleurs, dans un hadith, le prophète ensemble nous dit, l'invocation, c'est l'adoration. L'invocation, c'est l'adoration. On va se quitter sur cela pour une prochaine assise, Inch'Allah, de demain, si Allah nous le permet. Et Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين